pourrais parler mille heures de ses qualités. Mais y'a aucun mot pour décrire tout ce qu'elle est dans mon cœur, elle a fini couronnée. Tes peines, mes peines, on rigole et on souffre à deux. J'ai demandé ta main, je vais jamais m'en aller. Ton cœur cassé, je voudrais le ramasser. Depuis que je t'ai connu, t'as hanté mes pensées. T'es ma pensée, je serai ton témoin. Ils ont voulu parler de nous deux, pourtant ça sert à rien. Ils ont oublié que ça fait longtemps que Rachel m'appartient. Voilà les voler autour de la porte, bébé, ça sert à rien. Olingo nanga ina Rachel, muta koko tate. Tu sais qu'ensemble on ja, ça les rend jaloux, ça les